C'est moi le premier qui ai dit à Sion, « Les voici, les voici !» Et à Jérusalem, « J'envoie un messager de bonne nouvelle !» Je regarde, et il n'y a personne, personne parmi eux qui prophétise, et qui puisse répondre, si je l'interroge. Voici, ils ne sont tous que vanité, leurs œuvres ne sont que néant, leurs idoles ne sont qu'un vain souffle.